bien. Recommençons à jouer. Chez Participaction, nous croyons qu'il faut sortir les casques de vélo des boulamites et rejouer à la cachette. Donnons-leur 60 minutes par jour de l'activité physique qui nous gardait heureux et en santé quand nous étions jeunes. Recommençons à jouer. Participaction, on s'active. CKRL. 4 édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Ce soir, on va se glitcher les oreilles, donc j'ai plein de pièces complètement corrompues. On va donc écouter des trucs d'un peu partout. J'ai pas mal de trucs qui nous viennent de la Russie, donc de l'Ukraine, j'ai de l'Italie, aussi un petit peu de la Belgique. Donc, on va écouter, je crois, 10 à 12 pièces pour la soirée. Si les pièces vous intéressent, vous avez juste à vous rendre sur le blog de l'émission. C'est au www.webmusique.ca. Donc, vous allez pouvoir télécharger absolument toutes les pièces de façon gratuite et légale. Aussi, ce soir, un petit test, je tente l'émission sur Hangouts, donc vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe dans le studio de CKRL, si ça vous tente. Vous avez juste à aller jeter un petit coup d'œil. Si vous avez des questions, des commentaires durant l'émission, vous pouvez m'appeler au 418-640-1586. Je vais pouvoir répondre à toutes vos questions et prendre vos suggestions. Donc, on va débuter tout de suite avec un artiste de la ville de Moscou, c'est Tony Deuss. Je vous fais entendre sa pièce Dream for Ghost of the Past. C'est sur l'étiquette Subwise, une étiquette qui vient de Saint-Pétersbourg, en Russie. Ça va être suivi par un autre russe du nom de Shilaev. C'est la pièce Freedom and Independence. Vous allez voir deux pièces excellentes pour débuter l'émission. On écoute ça tout de suite. Yeah. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre un artiste de la Russie, c'est Sheila Eve avec la pièce Freedom and Independence. C'était précédé par donc un artiste de Moscou, Tony Deuce, avec sa pièce Dream for a Ghost of the Past. Ça, c'était sur l'étiquette Subwise Net Label, une étiquette qui nous vient de Saint-Pétersbourg en Russie. On va poursuivre avec un artiste polonais du nom de Eternal Sunset. Je vais entendre sa pièce Warm Digs Silently. C'est tiré de son album, donc qui est un split avec White Alts. C'est donc leur album Neurotic Design. Je vous fais entendre la pièce, donc comme je vous disais, Warm Digs Silently. Tout de suite après, sur Nemormalism Records, une étiquette russe, je vous fais entendre de la ville d'Odessa en Ukraine. C'est Obotech avec la pièce O-Bender. Donc on écoute ces deux pièces-là à Web Music. Thank you. song that I thought represented the world I knew. They were all Celtic singers. А по-моему, слишком много шику. Дикая красота, воображение идиота, никчемная вещь. Я дам вам парабеллум. эскиза. Я давно хотел вас спросить, как художник, художника. Une excellente pièce qui nous vient de l'Ukraine, la ville d'Odessa plus particulièrement. C'était Obotech avec sa pièce Obender. C'est sur l'étiquette Nenomalism Records, une étiquette russe. Avant ça, de la Pologne, c'était Eternal Sunset avec Warm Digs Silently. C'était tiré de l'album Neurotic Design. C'est un split avec Y Taltz. On poursuit avec un artiste qui vient de Columbia, au Missouri, c'est Spherex avec la pièce Detriment, puis ensuite de ça, c'est Frank 19 avec Brick Wall. J'adore vraiment cette pièce-là, Frank 19 qui nous vient de Moscou. Donc on écoute tout de suite Spherex à Web Music. Thank you.

Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous êtes à l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre de l'Italie Foxia avec la pièce A Hold Was I. Donc, c'est de la ville de Scafati en Italie. C'était sur l'étiquette Yo Net Label. Avant ça, c'était donc BF Project avec sa pièce Under the Mask sur l'étiquette York. On poursuit donc avec deux artistes, une collaboration vraiment intéressante. Le premier de Pittsburgh, il s'appelle Midnight Mood Swing. Et l'autre, son compagnon de Bruxelles en Belgique, c'est Sis Work. Donc, je vous fais entendre leur pièce To Sleep. Ensuite de ça, de la Belgique, c'est Homme Meta avec la pièce Opiate. Vous allez voir, vraiment, mais vraiment excellent. Donc, on poursuit Web Music avec Midnight Mood Swing et Sis Work. Thank you. Donc, c'était de la Belgique, c'était Home Meta avec sa pièce Opiate, vraiment excellent, vraiment planant. C'était sur l'étiquette Extraplex Records. Avant ça, c'était Midnight Mood Swing de Pittsburgh, accompagné de Sis Work de Bruxelles en Belgique. C'était leur pièce To Sleep. Donc, ça va déjà être tout pour Web Music. Je vous laisse sur une pièce vraiment brutale. C'est un artiste de Hawkesbury en Ontario. C'est Dead Skin. Je vous fais entendre sa pièce Viral Carnage. C'est sur l'excellente étiquette Torn Flesh Records. Une étiquette qui se spécialise dans la musique brutale dans à peu près tous les genres, musique électronique, du bon vieux metal, death metal, etc. Donc, il y a plein de trucs sur le catalogue de Torn Flesh Records si vous êtes amateur de ce style de musique-là. Ils ont quelques centaines d'albums en téléchargement gratuit, donc visitez Torn Flesh Records. C'est vraiment un gros nom dans la scène net audio. C'est une étiquette à ne pas manquer. Je vous rappelle de vous rendre au www.webmusique.ca. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Vous allez pouvoir donc retracer la playlist de l'émission et télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Vous pouvez télécharger ça de façon gratuite et légale. On va se quitter donc sur la pièce de Dead Skin. Je sais pas, ça va peut-être être trop court. Si c'est le cas, ben ça va être une pièce de More Famish tout de suite après. Si on se revoit pas d'ici la fin de l'émission, ben je vous invite à revenir la semaine prochaine à compter de 20h pour notre émission de Web Music. Puis je vous souhaite une bonne soirée à l'antenne de CKRL, c'est Cabaret Diaspora qui suit tout de suite après avec Jean-Baptiste Hervé. Donc restez à l'écoute. On va écouter tout de suite, donc comme je vous disais, Dead Skin. Thank you.